soleil. Écoute-moi, écoute-moi. Ne t'en vas pas, soleil. Reste avec moi, soleil. Il tape, tape, tape, tape sur ma tête. Oh, soleil. Écoute-moi, oh, soleil. N'arrête pas, oh, soleil. Ne t'en vas pas, toi qui donne, donne. Fais de moi une veille. Oh, soleil. Écoute-moi, oh, soleil. N'arrête pas, oh, soleil. Reste avec moi, oh, soleil. Oh, soleil. Ces filles nues que tu as fait sortir de terre en gerbe de feu. Écoute-les s'offrir à toi comme l'on s'offre à Dieu. Oh soleil, ne laisse pas venir l'hiver. Au soleil, au soleil.